Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers? Oh, c'est super cool! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, et aujourd'hui encore on va parler de jeux de manière transversale, jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo, et pour le podcast d'aujourd'hui on va parler plus précisément, alors après on fera très probablement des petits écarts, mais on va parler de jeux de société puisque c'est un sujet qu'on aborde pas forcément beaucoup, c'est dommage. Et plus particulièrement, on va parler d'un sujet qu'on voulait faire depuis assez longtemps. Enfin, en tout cas, ça fait quelques mois qu'on veut le faire. Ça va être tout simplement tenir une boutique de jeux. Comment ça se passe, comment on devient peut-être vendeur de jeux. Donc là, pour le coup, la personne qui nous accompagne aujourd'hui travaille dans le jeu de société. On verra peut-être pour élargir la notion. Pour m'accompagner, Manuel, peut-être je te laisse peut-être présenter notre invité. Ou non, tu veux peut-être que je la présente? Je la présente. Donc il s'agit de Cathy Suignard, j'espère que je n'écorche pas le nom, qui tient le lutin ludique à Dinan ou Dinard? Dinan. Et donc, peut-être, première question, comment tu es devenu lutin ludique? Totalement par hasard. J'ai fait des études de chimie physique, parce que quand t'es élève, tu vas bien, tu fais un bac scientifique, et puis tu continues ta voie sur des trucs qui t'intéressent pas forcément. Et puis, arrivé au bout des études, tu te dis, bon, j'ai pas envie de passer ma vie dans les centrales nucléaires. Je fais de la chimie physique, c'est au niveau mécanique quantique, etc. Enfin bon, je voulais faire exploser la planète ou la sauver. J'ai fait ni l'un ni l'autre. Et j'avais une passion. Je crois qu'on arrive surtout à ce métier-là par passion. La passion, c'était le jeu de société qui est né grâce à ma correspondante allemande. En troisième, surtout pas grâce à papa-maman, parce qu'à la maison, papa belote, maman scrabble, c'était tout. Et la découverte du jeu de société s'est faite en troisième, lors du voyage d'études en Allemagne, où là, j'ai découvert un truc, mais waouh! Et je suis tombée sur une correspondante, Birgit, qui est exceptionnelle, qui parlait super bien français, parce que sinon, c'était mal parti pour moi. Et qui m'a fait découvrir le jeu de société. On est devenus des vrais amis. Du coup, on a gardé le contact. Et tous les ans, c'était elle qui venait chez moi ou moi qui allais chez elle. Et forcément, c'était des parties de jeux de société à tous les coups. Et les études, plutôt que d'écouter sur les bancs de la fac, j'étais donc à Jussieu, à Paris. Au moment aussi où c'était les démarrages de Magic. Donc à la sortie de Jussieu, il y a une boutique qui est célèbre qui s'appelle Love Cube. Et pas loin de Love Cube, il y avait aussi Loya, qui c'était le pionnier en France pour amener les premiers jeux allemands. Et grâce, je suis rentrée, commencé par Magic d'abord, et puis Loya, on continue à pratiquer le jeu allemand. Puis à la sortie des études, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on rentre en Bretagne, parce que c'est le besoin de la mer se fait sentir. Et puis on monte une boutique, parce qu'il n'y a rien, Et, donc à la base, la boutique, c'est du jeu et du jouet. Comme disait ma fille quand elle écrivait à l'école, qu'est-ce qu'elle fait comme métier maman? Maman, elle est marchande de jouets. Ça, c'était... Et au fur et à mesure, le jeu de société a pris de plus en plus d'ampleur en France. Donc on a pu un peu réduire au fur et à mesure le jouet et étendre le rayon jeu de société. Donc, je peux dire à l'heure actuelle que je suis 50% marchande de jouets et 50% ludicaire. Voilà. C'est vrai qu'en tant que, commerçant et en tant que distributeur, pour le coup, auprès des particuliers sur des jeux de société, vous, je parle au sens large, hein, les ludicaires, vous avez été, j'imagine, assez bien placé pour voir l'évolution de la démographie des joueurs et puis l'évolution des demandes. C'est quelque chose qui a été sensible sur les 15-20 dernières années en termes d'évolution. Est-ce qu'on vous demande encore beaucoup de Scrabble et de Monopoly ? Tous les jours. Tous les jours, mais c'est un bon jeu, le Scrabble. Bon, le Monopoly, j'ai plus de réserves, mais... mais oui, oui, la différence... Alors moi, ma boutique a 18 ans. La différence vraiment notable, c'est qu'une... À l'heure actuelle, quand les gens s'arrêtent devant la boutique, je n'entends plus « Ah, c'est une boutique pour les petits. » Et ça y est, tout est fait. Quand il y a un papa qui rentre avec sa petite fille dans la boutique, je ne peux absolument pas dire qui est le client. Est-ce que c'est la petite fille ou est-ce que c'est le papa ? Et ça, bah, c'est magique. Il y a un terme qui m'a fait tilter, c'est le terme ludicaire, qui n'est pas neutre. Alors, Vianney l'a un peu lancé il y a 15 jours. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi un ludicaire ou un ou une ludicaire d'ailleurs et qu'est-ce que ça sous-entend ce mot-là qui à mon avis n'est peut-être pas anodin. C'était trouver un nom à notre métier. Moi, c'est vrai, je me définis comme marchande de jouets. Il n'y a pas de terme pour être marchande de jouets. Et jeux de société, on trouve qu'il y a un vrai travail, il y a une vraie recherche, il y a un vrai plus entre guillemets dans ce milieu commercial qui fait que il mérite un nom comme le libraire évidemment. C'était la première accroche qu'on ait trouvé. Alors c'est François Descamps, boutique des cartes Bordeaux, qui est maintenant chez Trick Track, qui a imaginé ce nom. On n'a pas trouvé autre chose, on trouve qu'il convient bien. On s'astreint à nous définir comme ludicaire pour essayer, au fur et à mesure, de ne pas être un crémier, de ne pas être un marchand, d'avoir une petite reconnaissance de notre travail. Quand on fait le parallèle avec libraire, c'est pas anodin parce que le libraire, pour le coup, au-delà de sa posture de commerçant, il y a une espèce d'aura culturelle qui est quand même présente. Et j'imagine qu'il doit y avoir une volonté d'accès. Alors, chez les libraires, il y a aussi des formations spécifiques. Est-ce que c'est des choses qui, aujourd'hui, existent ou se développent dans le domaine du jeu ? Et de façon générale, quelles compétences on a besoin d'acquérir en fait, pour monter une boutique de jeu aujourd'hui ? Eh ben, je n'ai aucune réponse à ça. Non, le monde du jeu est absolument désorganisé. Il y a rien de structuré. À la base, un auteur de jeu, il a même pas de statut. Il n'est pas défini. Le jeu de société n'est pas défini en tant qu'œuvre culturelle. Donc il y a rien. C'est un business totalement désorganisé. Et nous, on est au bout de la chaîne et on est là tous par passion. Il n'y a pas de formation en boutique pour être boutique de jeux, ça n'existe pas. Il y a des métiers de communication, je crois maintenant à Angers ou quelque part, je crois il y a une formation de ludothécaire, ça existe depuis longtemps. Et métiers du jeu, ça depuis quelques années. Mais sinon, on se débrouille complètement. Il n'y a pas de formation, on a après des événements tout au long de l'année, des festivals et des journées formation ou des commerciaux qui viennent nous voir. Mais on n'est pas du tout organisé comme dans le milieu du livre, du tout, du tout. C'est étonnant parce qu'en plus, vous avez un volume de compétences assez important de solliciter sur la maîtrise des règles de jeu. Et puis, je suppose, peut-être à tort, hein, mais que présenter, distribuer, commercialiser des cartes Magic, des jeux de figurines, du jeu de rôle, du jeu de société pour la famille ou du jeu de société un peu plus costaud, ça sollicite pas du tout les mêmes compétences et puis c'est pas forcément les mêmes personnalités en termes d'interlocuteurs, de clients et d'univers qu'on a à transmettre. Merci de nous dire ça, c'est gentil. Oui, mais parce que ce métier-là, on y vient par passion. On n'y vient pas pour faire de l'argent, pour développer je ne sais quoi. Dans le groupement dont je fais partie, qui regroupe 130 boutiques, y en a aucune qui ressemble à une autre, en fait. Parce que, en effet, oui, chacun va développer ses spécificités, ses plaisirs. Il n'y a rien d'organisé, il n'y a rien de structuré. C'est de la passion avant tout, très clairement. Mais c'est vrai que c'est un sacré boulot les 35 heures, c'est pas un truc qu'on connaît, ça, c'est évident. Mais il faut que ça reste un plaisir. Sinon, c'est pas un métier qui est possible. Et tu disais à l'instant que vous êtes regroupés. Pourquoi justement se regrouper? Parce qu'on pourrait, de l'extérieur, de manière assez caricaturale, on pourrait dire, mais de toute façon, vous êtes concurrents quelque part. Pourquoi vous êtes regroupés sous une structure Alors l'idée, elle est venue il y a quelques années où j'ai fait un espèce de burn-out du boulot, ras-le-bol dans la boutique. J'ai eu une opportunité, c'est d'être commerciale pendant quelques mois, le temps d'un congé maternité, d'une commerciale chez ABBA. Et donc j'ai pris la route pendant 3-4 mois. Et du coup, j'ai visité des boutiques. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, qu'on était complètement isolés dans nos boutiques. Et je n'avais pas ces conversations de collègues de boulot. Je n'avais pas de collègues, en fait. Je pouvais parler de mon métier, de mes difficultés, de mes problèmes et de mes plaisirs à personne. Et à force d'aller de boutique en boutique, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. L'idée a mûri, d'en avoir discuté, en grandissant, on commence à, sur les festivals et autres, à rencontrer un petit peu des collègues, on finit par pousser la discussion un petit peu plus loin. Et l'idée a germé comme ça, il faut se regrouper. À l'heure actuelle, c'est possible parce qu'on a les réseaux sociaux, ce qui n'était pas possible il y a quelques années. Là, maintenant, on peut discuter toute la journée, se raconter les moindres bêtises et résoudre les problèmes grâce aux réseaux sociaux. Et donc, ça a aussi permis ce regroupement. Alors, tu signalais qu'il n'y a pas de boutique qui se ressemble. Moi, j'ai l'impression qu'il y a il y a quand même des spécificités qui reviennent assez souvent, notamment le fait que dans les boutiques de jeux, les gens jouent. Je pense pas que ce soit systématique, mais en tout cas les espaces de jeu ont l'air quand même d'être quelque chose d'assez récurrent régulièrement dans les boutiques. Moi, mon expérience personnelle, c'est que ça a été en tant que joueur un espace de socialisation très tôt pour rencontrer d'autres personnes à travers le jeu, et j'ai l'impression que qu'il soit plus ou moins grand, mais il y a toujours un coin de table réservé, ne serait-ce que j'imagine, pour faire des démonstrations, pour pouvoir montrer des jeux, mais qu'en tout cas, le fait de passer par la pratique est quelque chose d'assez structurant dans une boutique de jeu. C'est pas si systématique que ça. C'était dur à dire ça. Moi, par exemple, j'ai une table de démonstration, mais sur laquelle j'ai pas le droit de faire jouer les gens. Parce que la boutique, au niveau sécurité, n'a pas d'issue de secours. Donc, je suis tombée sur des gens un peu casse-pieds dans ma ville. Et du coup, je peux pas faire jouer les gens. Donc ça dépend après des spécificités de chacun, mais oui, comme je vais toujours en revenir à notre camarade libraire, c'est que quand on va dans une librairie, le libraire, il nous conseille, et puis il nous ouvre des livres, il nous ouvre des bandes dessinées dans l'espace jeunesse, on va regarder quelques pages de l'histoire du loup qui arrive de grandes aventures. C'est pareil, nous, pour faire passer le plaisir d'un jeu, une boîte fermée, ça n'apporte rien. Donc il faut une table au minimum pour pouvoir ouvrir et montrer un peu de matériel, faire toucher ces petits meeples qui vont nous donner quelques frissons. Et au mieux, après, évidemment, si on peut faire jouer un ou deux tours de jeu, si possible, ou dans un certain nombre de boutiques, carrément, en effet, oui, il y a des espaces jeux réservés. Très souvent pour Magic, en effet, ça reste des grands plaisirs de jeu. Et après, il y a des soirées jeux, il y a du potentiel de jeux, en effet, dans certaines boutiques. Et pour arriver à faire connaître le jeu de société, c'était obligé de passer par là, de sociabiliser, de Et notre passion, elle se partage. C'est un partage. Moi, mon métier, c'est un plaisir à la base. Et donc, ce plaisir, je veux le transmettre. Donc, pour ça, faut que je partage avec la personne en face ce plaisir de tripoter le matériel, d'en discuter pendant des heures, un point de règle. Oui, il faut des espaces de démonstration. Oui. Et du coup, alors je vais jouer mon relou de service. En termes de droit, ça pose pas de souci de faire jouer même des petits bouts de partie comme ça, puisque par exemple, quand on est dans un café, si la personne passe de la musique, elle doit payer la SACEM. Est-ce qu'il y a... Je connais la réponse, mais ça va être intéressant de l'expliciter. Est-ce qu'il y a une SACEM des auteurs de jeux de société, par exemple, qui vous demanderait une petite participation pour ces jeux qui sont pratiqués en boutique ? Comme je l'ai dit au début, on est totalement désorganisé dans ce milieu. Donc, pour l'instant, au niveau des règles, des lois, il n'y a rien du tout. Donc, non, ça n'existe pas. C'est des choses qui sont en discussion. Tout comme donc il y a le groupement des boutiques ludiques, notre association de 130 boutiques, il y a aussi l'association des auteurs de jeux qui s'appelle la SAGE, qui évidemment travaille sur ces choses-là. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Je pense que l'année prochaine, ça devrait bouger. Oh, sans trahir des secrets dingues. Waouh. Tu signalais que vous étiez très désorganisé dans ce métier. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu des réseaux de boutiques qui existent et qui ont existé, alors plus ou moins forts, mais dans les années 90, je dirais, il me semble que les relais des cartes étaient relativement nombreux. Dans un autre domaine, ou en tout cas un domaine coïncident, les boutiques Games Workshop, je ne sais pas à quel point c'est une franchise ou une chaîne, mais en tout cas, il y a quand même un certain nombre de boutiques avec des proximités en termes de commercialisation, ne serait-ce que sur ce qu'ils commercialisent. Et quand je parlais d'espace de jeu, typiquement, dans les boutiques qui vendent de la figurine, la présence de tables de jeu qui servent à la fois pour du diorama et pour de la mise en pratique, là, c'est vraiment très, très systématique. Et c'est des espaces de socialisation, un peu comme Magic. J'ai l'impression que c'est vraiment les deux endroits où c'est fort. Magic et la figurine, c'est vraiment deux espaces de socialisation très forts, les boutiques, pour les pratiquants de ces jeux-là. Oui, après, j'avoue, j'ai pas tout ça dans ma boutique, donc je peux pas en parler. Ce que je peux dire, c'est qu'au sein de l'association, on est donc 130 boutiques, et à l'intérieur de ces 130 boutiques, il y a deux réseaux. Importants qui sont les sortilèges et les temples du jeu qu'on a ici à Rennes, qui regroupent je crois une dizaine de boutiques chacun, donc ils sont formatés sur le même ligne de conduite, et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, je sais pas comment ils sont, mais on est vraiment tous tellement différents en fait. Et bon, l'association, elle a 2 ans et demi. Donc on essaye chaque année de faire quelques sondages pour essayer de comprendre qui nous sommes, ce qu'on représente, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas... Pour l'instant, on a essayé en 2 ans et demi de faire connaissance entre nous. Parce que comme l'on disait, on ne se connaissait pas. Je ne connaissais pas mes camarades du Temple du Jeu à Rennes, je ne connaissais pas un camarade sortilège à Saint-Malo. Maintenant, on a plaisir à se téléphoner, à s'appeler, même pour parler de la pluie et du beau temps. Mais ça, il faut du temps. Il faut du temps parce que, comme on disait, on est quand même concurrents, bien sûr. Donc après, ça a été très facile de trouver des points d'entente communs, ça, il n'y a pas eu de problème. Mais en 2 ans, il nous a bien fallu 2 ans pour comprendre qui nous étions, ce que nous représentions. Et Bon, maintenant, on va pouvoir essayer un peu de parler de notre métier, d'essayer de communiquer vers l'extérieur. Maintenant, ça y est, on sait un petit peu quel est le profil type. Il n'y en a pas, en fait, du ludicaire. C'est intéressant parce que moi je suis assez étonné en fait de ce constat-là. Et je m'attendais en fait à trouver des choses assez similaires à ce qu'on peut trouver chez les disquaires. Par exemple, les disquaires, alors pas tous évidemment, chez disquaires indépendants, il y a notamment le réseau Starter qui est un groupement en fait si j'ai bien compris, hein. J'invite les internautes à me corriger si je me trompe, qui est donc un groupement de disquaires indépendants et qui en fait négocie, enfin a une force de négociation autre pour les prix auprès de des labels, des maisons de disques, etc. Ça n'existe pas du côté ludique parce qu'on sait qu'il y a des gros acteurs, je pense Hasbro ou même ABBA qu'on a pu citer. Il n'y a pas justement de groupement pour négocier sur voilà, des choses comme ça ? Non, pas du tout. Et pourquoi, du coup ? Parce qu'on est trop petit à la base, sans doute. Alors, non, parce qu'on est tellement différents que déjà, il fallait se trouver des points en commun. Alors ça s'est fait par l'édition d'un catalogue. Donc, ça fait... le prochain catalogue va arriver dans les boutiques, là, cette semaine. Donc, qui est notre pierre commune. Dans le catalogue, il y a 200 jeux que chaque boutique s'engage à avoir dans ses rayons. Donc ça, c'est un socle commun, c'est 130 boutiques. Et sur ces 200 jeux, donc qui sont 200 à 250 jeux qui sont choisis dans le catalogue, on a des engagements commerciaux, en effet, avec les éditeurs. Ceux qui ne souhaitent pas accepter ces engagements commerciaux ne sont pas présents dans le catalogue. Donc c'est un catalogue qui est imprimé à 160 000 exemplaires, je crois, cette année, je ne me rappelle plus exactement, répartis donc sur les 130 boutiques, dont une Suisse, et on a un camarade dans les DOM-TOM aussi. Alors justement, ils ont réagi comment les éditeurs, les distributeurs parce que j'imagine que c'est plus facile pour un commercial d'avoir affaire à des personnes isolées que d'avoir affaire à un groupement. Donc ça a peut-être pas été simple. Comment ça s'est passé ? Oui et non, en fait, parce que étant donné que le milieu bouge énormément, forcément on est attaqué, entre guillemets, de toutes parts. La part du gâteau, elle intéresse aussi maintenant de nombreux acteurs du jeu qui sont pas forcément des gens fiables, entre guillemets. C'est des grandes surfaces qui vont ouvrir un rayon jeu, puis ça va durer 2 ans, le temps que la mode passe et puis qu'ils vont passer à autre chose. Donc je crois que les éditeurs, nos distributeurs ont besoin aussi d'un socle solide et sain sur lequel ils peuvent compter. Donc ça s'est bien passé avec certains éditeurs, distributeurs. D'autres se sont donné le temps de réfléchir et de voir qui nous étions. Et est-ce qu'on n'allait pas révolutionner le monde du jeu et faire des trucs dingues et... Donc, se sont laissé le temps de voir. À l'heure actuelle, non. Au contraire, on se réunit chaque année à Paris et Ludique, au Festival Paris et Ludique, au mois de juin, donc à Paris évidemment. Et là, on passe 2 jours à sélectionner les jeux qui sont présents au catalogue. Parmi nous, c'est 15 personnes dans le groupement qui s'engagent à venir sur les 2 jours à Paris pour choisir ces jeux. Et sur 2 jours, on est débordé, on n'y arrive pas, parce que cette année, on avait 500 propositions. Donc ça veut dire qu'il faut enlever un jeu sur deux. Il y a évidemment le jeu, il y en a déjà, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, on n'est pas en manque de jeux dans cette association, dans le choix. Et c'est compliqué de choisir un jeu plutôt qu'un autre. Pourquoi lui, il aurait le droit d'être présent au catalogue et pas l'autre ? C'est des choix compliqués, des grandes discussions avec les éditeurs et distributeurs. On a parlé donc de cet événement-là. Quels sont les autres temps forts quand on vend des jeux ? Parce que, par exemple, il y a, on voit il y a des conventions de disquaires, il y a des fois aussi des salons du livre. Quels sont les temps forts à ne pas rater quand on vend des jeux ? Alors, depuis quelques années, c'est un peu plus organisé. En effet, il y a deux rentrées ludiques. Il y a la rentrée Cannes. Donc ça, c'est en février. Parce que nous, on est des anges super chics. On se réunit à Cannes, donc au palais des festivals au mois de février. On va passer 4 jours à découvrir tous les jeux du premier semestre. Et deuxième temps fort, c'est deuxième rentrée ludique, bah, c'est maintenant. Avec le salon de Essen la semaine prochaine en Allemagne, où vont sortir tous les jeux de fin d'année. Pour les auditeurs qui nous écoutent en décalé, hein, la semaine prochaine, c'est globalement fin octobre. Voilà, le salon de Essen, si vous renseignez un peu, E2SEN, vous trouverez des informations, parce que c'est un peu la mecque internationale du jeu de société. C'est un peu l'E3 du jeu de société. Et j'ai profité de cette transition extrêmement subtile pour parler jeux vidéo. Dans les boutiques de jeux... il m'est arrivé régulièrement de trouver des jouets, il m'est arrivé régulièrement de trouver des jeux de société, il m'arrive de trouver du jeu de rôle, il m'arrive de trouver des figurines, il m'arrive de trouver des éléments de costume pour du jeu de rôle grandeur nature, mais il ne m'arrive pas de trouver des jeux vidéo. Comment ça se fait qu'il y a une dichotomie encore très forte, ouais, je pose des colles, je sais, comment ça se fait qu'il y a une dichotomie aussi forte entre le monde du jeu vidéo et les autres typologies de jeux, donc les jeux non numériques? Il n'y a pas de porosité entre ces deux milieux pour les gens qui sont passionnés de jeux, parce que manifestement on devient ludicaire en étant passionné de jeux. Il n'y a pas une envie d'aller aussi proposer des jeux sur console ou des jeux PC, même si aujourd'hui c'est un peu plus compliqué? Ben, j'en ai aucune idée. Ouais, je ne sais pas quoi te dire là. Jeux vidéo, je crois qu'on y joue tous, faut être honnête. Hein. Et moi, quand je fais ma pause ludique, de temps en temps, je vais vers un jeu vidéo à la maison. Je sais pas, c'est peut-être un milieu qui est complètement saturé commercialement aussi, peut-être. Je sais pas. Et c'est pas les mêmes types de passionnés, en fait. On peut pas être passionné jeux de société, passionné jeux vidéo, je sais pas. J'ai pas de réponse en fait. Je connais pas de boutique de jeux vidéo et c'est vrai que dans le groupement, je crois pas. C'est pas des conversations qu'on a du tout en fait. On va pouvoir discuter bouquins entre nous, choses comme ça, mais c'est vrai que discuter musique, discuter plein de choses. Mais c'est vrai que le jeu vidéo fait pas partie de nos conversations, en fait. Donc, je sais pas, on a peut-être aucune personne que ça intéresse. Enfin, ou c'est pas les mêmes passionnés, peut-être. Ouais. Tu voudrais dire que les ludiques n'accordent pas de valeur culturelle à leur pratique vidéoludique? On nous a souvent opposés, en tout cas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est rigolo comme quoi... Souvent, les gens qui viennent en boutique, c'est « Ah, j'en ai marre que mon fils il fasse du jeu vidéo. Je voudrais un jeu de société. » Et ouais, c'est bizarre, quoi. On peut faire les deux. Les deux pratiques sont pas... Et je pense qu'en plus, le jeu de société doit sa force au jeu vidéo. Pour moi, l'acceptation de la société que adultes on puisse jouer un jeu vidéo, avoir une console dans le salon, tout ça fait que ça permet aussi de se dire voilà, on sort une boîte de jeu et c'est un aventurier du rail, mais voilà, on va tout jouer, grand-mère va participer et c'est normal. Et en effet, on dira plus on va pas dans la boutique de bébé, on va chercher un jeu. Moi, je dis merci aux jeux de société, aux jeux vidéo en fait. C'est je pense qu'on est là en partie grâce à eux. J'ai une théorie, moi, là-dessus. Après, alors, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Pour le coup, c'est toujours un peu fumé avec moi. Voilà, on fera un jingle. La théorie d'Adrien. C'est tout simplement le rapport au matériel. Parce que quand on a un jeu de société, théoriquement, quand on l'achète, on a tout ce qu'il faut pour jouer. Ce qui n'est pas forcément le cas du jeu vidéo. Le jeu vidéo, il faut s'équiper, mine de rien. Il faut choisir le bon investissement, la bonne console qui aura les bons jeux qui vont satisfaire. D'ailleurs, ce qui m'amène à la question du matériel, qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour tenir une boutique de jeux? Il y a peut-être, je ne sais pas moi, il faut des étagères qui supportent des kilos et des kilos de boîtes de jeux. Ouais, je crois qu'on a tous un grand ami qui s'appelle Ikea. Non, après, ça nécessite rien de particulier. Non, il n'y a pas besoin de de matériel particulier. Par contre, tu parlais du matériel dans les boîtes. À l'heure actuelle, on a quand même une porosité qui s'installe entre le jeu vidéo et le jeu de société via l'installation de nombreux jeux qui nécessitent des tablettes pour jouer. Donc, c'est une vraie porosité qui s'installe, ou des jeux de société avec des thématiques qui sont issues de jeux vidéo. Deux derniers qui sont sortis, là, qui ont fait des gros cartons, ça a été Fallout et This War of Mine. Donc, c'est... Non, c'est un milieu, c'est deux milieux qui deviennent, qui commencent à symbioser un petit peu... Et ça, sans compter les portages, j'imagine, de jeux de société sur plateforme numérique. Il y en a quand même de plus en plus. Et il y a un certain nombre d'éditeurs qui sont en train, qui ont développé des studios à part entière pour assurer les portages et générer des revenus aussi sur ces supports-là. Ce n'est pas des choses qui sont un peu effrayantes en tant que ludicaire, l'idée que ces jeux... Ou alors, est-ce qu'il y a... En gros, il y a deux approches. Soit c'est effrayant parce que ça prend un marché, soit c'est réjouissant parce que, en gros, les gens qui ne peuvent pas jouer, je sais pas, un exemple comme Small World, par exemple, qui ne peuvent pas forcément jouer tout le temps à Small World parce que ça demande d'autres joueurs présents, le plateau, les pions, une installation, vont quand même avoir le plaisir de retrouver leurs amis à jouer à Small World et en même temps vont développer une pratique en ligne via la plateforme, voire même vont arriver aux jeux de société physiques par la plateforme numérique. Comment ça se réfléchit tout ça ? C'est quelque chose que je regarde pas du tout. Je sais que ça existe, mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de regarder sur une tablette tous les jeux qui existent. C'est des choses qui m'auraient intéressé quand j'étais en fac, ça, parce que quand t'as une heure et demie de transport en commun en région parisienne pour arriver jusqu'à la fac, pour te rendre compte que le prof il est pas là, j'aurais adoré avoir du Splendor ou autre jeu sur tablette à l'époque, ouais. Non, c'est deux choses parallèles, c'est l'un va avec l'autre, Je sais qu'il y a beaucoup de conférences qui se font là-dessus, en effet, sur les jeux de société adaptés en jeux vidéo. C'est pas des choses que je suis, donc je peux pas dire quel est l'avenir qu'ils veulent donner à ce genre de produit. Pour moi, j'y vois pas. C'est quelque chose de parallèle. C'est pas. Ça ne portera pas le plaisir du besoin de toucher des pions, de rigoler avec quelqu'un en face. Non, ça on pourra pas l'enlever, ça. En parlant du plaisir de toucher des pions et de rigoler avec quelqu'un en face, moi j'ai une question d'ordre, ça touche un peu les prérequis de ludicaire aussi. Combien d'heures par semaine on passe à jouer quand on est ludicaire ? Parce que concrètement, à un moment, il faut connaître ce qu'on vend quand même. Donc vous êtes un peu payé pour jouer quand même. Ben, pour tout dire, je pense que je joue beaucoup moins qu'avant, parce qu'en fait, je ne joue plus. J'essaye des jeux. Je mange du jeu. Je vais pas forcément au bout des parties. Donc, faire des vraies parties jeux de société, c'est un luxe, en fait. Parce que je sais pas comment fait le libraire aussi. Je lui pose la question à mes voisins. Comment ils, est-ce qu'ils lisent les livres jusqu'au bout ? Comment ils font ? Il y a les vacances où là on se dit bon, allez, les vacances, on prend trois jeux de société et puis on joue pour le plaisir de jouer. Mais finalement, oui, je pense que je joue moins que je pouvais jouer en troisième finalement avec ma copine allemande. Je pense que ça peut être une bonne question à poser à des œnologues, par exemple. Parce que là aussi, c'est un autre souci. Je reviens à votre thématique de tout à l'heure qui était sur la dématérialisation du jeu. Il y a aussi un autre aspect sur la dématérialisation, c'est la dématérialisation de la vente. Dans le sens où on voit des choses très... Le mot est peut-être un peu fort, mais très agressif. Enfin, quand on voit des Amazon qui promettent maintenant de livrer dans la journée, comment vous vous défendez ou comment vous contrer ce genre d'offre, la vente de jeux sur commande. On fait notre métier. On conseille, on partage, on discute les yeux dans les yeux avec les gens, on rigole avec les gens. C'est pas du tout le même, la même vision de la vie, la même vision des choses. Et y a encore plein de gens qui ont envie de rentrer dans les boutiques, qui ont envie d'avoir un contact, et surtout dans le jeu de société. Donc c'est des vies parallèles et ouais, faut pas en avoir peur. Et puis ça peut rendre service. Et moi, ça, c'est pas des choses qui m'inquiètent le matin quand je vais au travail. Je pose la question parce que je sais que les libraires ont eu cette... c'était les premiers qui ont été concernés pour Amazon. Mais maintenant, du coup, y a des collectifs, des plateformes en ligne sur le... Je ne sais plus c'est quoi le nom, mais c'est le libraire du coin. Et voilà. Et je me demandais du coup si, avec le rassemblement des ludicaires, c'était quelque chose qui était dans les tuyaux ou pas pour essayer de voir vos projets à venir, quoi. Alors, notre rassemblement, il s'appelle le groupement des boutiques ludiques. Non, mais c'est comme ça, je le dis plein de fois, c'est bien. Alors, c'est des choses qu'on travaille dans notre cerveau, qu'on travaille. On a un site internet, boutiqueludique.fr, sur lequel il y a notre catalogue papier donc, qui est téléchargeable, sur lequel il y a la carte de France avec les boutiques. Et là, on vient de mettre en place un site interne. Par derrière, chaque boutique peut se connecter et sur lequel il va se passer des choses et sur lequel on travaille. Ouais, tada. Et pour l'instant, je ne peux pas en parler. Ça fourmille d'idées. C'est des décisions qui sont à prendre après en Assemblée Générale. Donc, on a des dossiers à proposer. Ils sont proposés dans le procès d'Assemblée Générale en février à Cannes. Mais oui, on y pense, on réfléchit un peu là-dessus quand même. Ouais. Toujours dans les grandes évolutions commerciales autour du monde du jeu, qui est venu après un peu après la numérisation d'un certain nombre de boutiques et la vente en ligne, est arrivé aussi le crowdfunding. Je ne sais pas à quel point ça a un impact fort sur les boutiques, parce qu'on en avait discuté un peu il y a quelques mois, lors de la saison précédente, avec des spécialistes qui nous parlaient du fait que l'impact était assez faible dans le domaine du jeu vidéo, mais qu'en revanche, dans le domaine du jeu de rôle, que pour le coup je connais un peu mieux, et puis du jeu de société, là, il y avait des volumes de chiffre d'affaires considérables qui passaient outre les boutiques. Est-ce que c'est devenu une difficulté? Est-ce que c'est une complexité? Est-ce que c'est un problème? Comment ça se passe? Comment c'est vécu? Alors, tout dépend du type de boutique, en fait. C'est vrai que moi qui suis une boutique plus familiale, ça c'est des choses qui me passent mais carrément au-dessus de la tête. Par contre, pour des boutiques plus gamers, là évidemment ça peut être une problématique. Parce qu'on dit que bah oui, le jeu, on partage un plaisir, une passion. Alors si en plus on donne aux passionnés la possibilité de participer à la création du jeu, de lui amener la figurine machin truc en plus, alors là, c'est l'orgasme absolu. Donc forcément, c'est nous manger. Une partie de la passion, elle passe là-dedans. Après, c'est des projets qui sont tellement monstrueux. Qui finissent par prendre une place mais démentielle. 4 boîtes de jeux, ça fait 30 boîtes de jeux classiques. Donc à un moment, c'est l'overdose absolue. Et je pense que là, la crise de foi, elle est là, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est une folie passagère. Après, je me trompe peut-être parce que c'est quelque chose que je ne connais pas suffisamment. Mais j'ai l'impression que certains clients, en effet, qui ont participé à des KS comme ça, me disent « Ouais, bon, c'est bon, j'arrête là, j'en peux plus, je ne sais plus où les mettre, il y en a trop, il y a trop de figurines, il y a trop, j'y joue pas. » Donc, Non, c'est peut-être une mode ou qui doit changer en tout cas, qui doit complètement revoir ce qu'elle est. Mais ça, je pense qu'ils le disent eux-mêmes. Ils sont de retravailler la façon, les boîtes, les choses. Ils sont arrivés à saturation là, je pense, oui. Parce que là, on peut parler effectivement de très grosses productions, comme les productions de Monolith, où effectivement on est avec énormément de figurines. Bah, on est en Bretagne, on peut citer les locaux quand même. Mais je pensais aussi à typiquement l'édition luxe de Tokaido, par exemple, qui a atteint des sommes importantes, avec des évolutions qui étaient vraiment d'ordre cosmétique, sans faire évoluer le jeu à proprement parler. Pour le coup, et c'est pas un jeu de hardcore gamer, on parle de Tokaido, c'est un jeu familial, donc manifestement ça existe aussi dans un espace qui touche quand même un petit peu le jeu familial, c'est peut-être moins sensible. Après, ces jeux-là finissent en boutique aussi. Il y a certains éditeurs qui ont comme ça créé des partenariats avec les boutiques où on peut parfois servir de dépôt vente. Les joueurs viennent chercher leur Kickstarter chez nous. Et puis après, nous, on a une compensation, boîte de jeux offerte, des trucs, une participation financière sur la boîte. Et après, certains jeux, carrément, au bout de... Bah, ce qui était le cas de la gamme Zombicide, par exemple. La gamme Zombicide, on la vend très très bien en boutique. Donc... qu'est-ce qu'il y a encore, oui, Tokaido, pareil, c'est quelque chose qu'on vend en boutique également, oui. Oui. C'est, je pense, peut-être une saturation du milieu de l'édition aussi. Il y a des auteurs qui ne trouvent pas d'éditeurs et qui se disent, bah tiens, je vais me lancer tout seul. Qui essaye, et puis ce jeu était passé sous les radars des éditeurs, et puis on s'aperçoit que waouh, on est passé à côté d'une perle, et heureusement qu'il a pu être édité par le Kickstarter, et que chouette, maintenant l'éditeur on va pouvoir en faire un jeu qui sera distribué en boutique. Ouais. Ce qui pose effectivement le rapport aux éditeurs, en fait, puisque on voit que ils sont, enfin, j'imagine, pas sur les dents, mais en tout cas sur le qui-vive vis-à-vis de ce genre de d'initiative. Justement, est-ce que là, en 18 ans de boutique, c'est ça, je crois, est-ce qu'on a vu une évolution dans le rapport aux éditeurs ? Est-ce que maintenant, par exemple, maintenant que le marché européen, par exemple, est plus développé, etc., est-ce que peut-être la France, c'est trois fois rien pour eux. Enfin, notamment, je pense pour les gros éditeurs, ceux qui éditent Monopoly, par exemple. Voilà. On n'a aucune relation avec Hasbro, Mattel et ces gens-là. En fait, on n'est pas du tout sur la même économie de marché. Donc, c'est des choses que je ne peux pas acheter, en fait, entre guillemets, un Monopoly ou quelque. C'est des choses qui sont donc fabriquées en Chine, comme 99% des jeux de société, soyons honnêtes, mais qui voyagent donc par cargo, qui vont arriver sur le port du Havre dans des, ou je sais pas quel port de Dinan, dans des gros conteneurs, et en fait t'achètes un conteneur. Donc le conteneur il fait déjà 4 fois ma boutique, donc si je veux acheter, je peux pas, en fait, qu'est-ce que je vais faire avec ça, je peux pas, et puis j'en ai pas envie. Donc ça m'oblige à passer par un intermédiaire, un grossiste, qui forcément va prendre sa marge, et ce qui va faire que moi je vais proposer, en gardant ma marge, le Monopoly, la bonne paye, le machin, le Cluedo, le truc mûche, 30% au moins plus cher que ce qu'on peut avoir dans le supermarché. Donc ça n'a aucun intérêt, ni pour moi, ni pour le client, de venir chercher un Scrabble ou un Monopoly chez moi. Voilà. Et après, j'ai perdu ta question de base, je me rappelle plus, une évolution dans le rapport. Non, il faut que tu me reposes ta question, en fait, je me suis perdue. Non, ma question, c'était effectivement d'ordre général, mais t'as répondu en partie. C'était en 18 ans de boutique, est-ce qu'effectivement on a vu un rapport avec l'éditeur qui évoluait ? Et alors là, on a parlé effectivement des très très gros qui sont hors normes, mais je pense effectivement à de plus petites boîtes. J'imagine que le Tokaido, il s'est pas fait tout seul. J'imagine qu'il y a une boîte d'édition qui a trouvé un moyen de financer une version collector à moindre frais, j'imagine. Et on voit qu'il y a une évolution de leur côté, qu'ils trouvent d'autres moyens d'avoir des précommandes aussi. Donc j'imagine que je suppose que la relation évolue aussi de votre côté dans votre rapport commercial. Le milieu, comme tout, comme le monde entier, forcément se mondialise, c'est pas joli ma phrase, et le monde du jeu qui pouvait être un peu allemand à la base, enfin beaucoup allemand, qui est devenu beaucoup français, est devenu international, oui. Donc un éditeur ne réfléchit pas à une boîte de jeux au niveau français, mais à minima, je pense, au niveau européen, oui. Donc ce qui peut entraîner des complications pour nous en boutique, que si le jeu s'est super bien vendu en France, mais n'est pas encore fini d'être vendu dans d'autres pays, bah des fois, bah on ne relance pas une prod, donc on peut se retrouver pendant 2-3 mois sans un jeu, parce que les ventes ne sont pas les mêmes, sur toute l'Europe, et du coup, l'éditeur, pour l'instant, n'est pas prêt à réimprimer, parce que pour l'instant il n'a pas la possibilité de revente encore sur les autres pays européens. Je voudrais revenir sur quelque chose que tu disais un peu plus tôt quand tu parlais de la façon qu'ont les ludicaires de résister à l'offensive Amazon. Tu parlais de jouer avec les gens, de rire avec les gens, et puis aussi de donner du conseil. Moi j'ai souvent entendu dire de la part des gens qui s'intéressent au monde du jeu, et puis de la part des créateurs aussi, que effectivement, à l'instar des libraires, les ludicaires avaient cette vocation à servir un peu de tête chercheuse, de point de repère, et notamment les petites boutiques avaient vocation à être ceux qui vont faire accéder un jeu au public. Et quelque part, c'est les ludicaires qui vont, par leurs enthousiasmes et leur envie de transmettre tel ou tel jeu, faire d'une production un succès. Est-ce que c'est encore beaucoup le cas ? Et je pose ça à un moment où Trick Track, que tu citais beaucoup plus tôt dans le podcast, existe depuis un moment et quelque part, c'est un peu emparé aussi de cette fonction. Oui, on l'est toujours. Ça c'est sûr que les succès ont démarré à la base dans les boutiques. Oui, ça c'est évident. Et puis on les perd à un moment donné. C'est comme un bébé que t'as créé, puis un bébé il s'en va et il termine en supermarché. Oui, ça c'est ce qui est en train d'arriver pour Double en ce moment par exemple. Parce que la société revoit son packaging, revoit tout, et puis ça fait que c'est des trucs qui ressemblent plus à rien pour nous et qui pénètrent les rayons des supermarchés, donc on va pas être sur les mêmes prix non plus. Donc du coup, ça y est, c'est fini, au revoir. On va chercher à présenter, et on a de quoi, largement d'autres jeux à nos clients, oui. Après, le rôle de Trick Track dans tout ça, Trick Track c'est un site d'information qui est précieux, parce que comme on disait au tout début, on a un métier qui n'est pas organisé, donc c'est vrai que nous au bout de la chaîne, finalement il y a souvent les éditeurs, ils pensent pas à venir nous... Ils se sont dit, ça y est, le truc il est fait, on va le mettre dans la boutique. Mais pour que la boutique la mette dans ses rayons, il faut qu'elle ait envie de la placer, et puis il faut qu'elle connaisse le jeu. Et ça, c'est encore quelque chose sur lequel qui reste compliqué, la formation, notre formation. C'est vrai que Trick Track, pour ça, peut être un pis-aller, parce que c'est pas hyper pratique, parce que c'est des vidéos qui sont longues, qui sont rigolotes, qui sont sympas, qui expliquent bien, etc., mais qui prennent un temps fou à être regardées, qui sont pas faites pour des professionnels en fait. Elles sont faites pour le public et pas pour nous. Mais c'est vrai qu'après, c'est le site de communication, en effet, du monde du jeu. Et chapeau au travail qui a été fait, qui est fait. C'est, sans eux, le monde du jeu n'aurait sans doute pas eu cette mise en avant, ça c'est sûr. Ouais. Ils sont pas plus découvreurs que nous, puisque les jeux, ils les ont au même moment que nous, ils les voient au même moment que nous, mais ils ont cette possibilité que l'éditeur va chez eux, parce que forcément, on va toucher un public important et ne va pas venir se déplacer dans nos, 300 et quelques boutiques qu'il peut y avoir sur le territoire français. Alors, certains éditeurs ont des commerciaux qui viennent nous voir et puis allez hop, on a pour une ou deux heures à dépiauter un petit peu, regarder, ouvrir les boîtes, waouh, regarder ce qui est fait. Et mais ça reste pour moi la grande problématique de notre métier, ouais, de notre formation. Ouais. Et je posais la question parce que en gros, mon interrogation, c'est est-ce que aujourd'hui, les gens qui rentrent dans une boutique ont autant besoin de conseils, ont encore vraiment besoin de conseils dans la mesure où ils ont facilement pu se renseigner en ligne et entrer dans la boutique en sachant exactement ce dont ils ont besoin, quelque part, plus chercher un point de distribution que vraiment de la recommandation. Alors, il y a... Non, le milieu du jeu, il est impressionnant, mais il y a encore énormément à faire, en fait. Si tu connais Trick Track, c'est que t'es joueur, déjà. Donc, les générations actuelles, c'est pas des médias vers lesquels ils se tournent. Il faut que ça aille vite, il faut que ça soit rigolo, donc ils vont sur YouTube. Ils vont chercher des informations là. À l'heure actuelle, il n'y a pas forcément encore quelqu'un qui sort du lot en présentation sur YouTube. Mais pour moi, c'est ce média-là, à l'heure actuelle, qui est le vecteur de communication. Donc, je ne sais pas comment un client pousse la porte et se dit tiens, je vais voir, il y a forcément le vecteur des cafés-jeux peut-être aussi depuis quelques années, ou parce que le bouche à oreille, j'ai joué chez un copain, j'ai ma collègue de boulot m'en a parlé, j'ai entendu parler de votre boutique, je viens voir, j'ai qu'un Monopoly à la maison, c'est des choses comme ça en fait. S'ils viennent via des moyens de communication comme Trick Track, c'est qu'en général, ils ont déjà du jeu de société à la maison. Ouais. On a parlé de jeux de société, mais il y a aussi un peu de jeux de rôle dans ce type de boutique. Et c'est vrai que sur le jeu de rôle, on a vu sur YouTube une sorte de montée en puissance du jeu de rôle. En France, l'exemple le plus voyant, c'est sans doute le joueur du grenier qui fait du jeu de rôle et qui sort des titres qui sont particuliers. On voit arriver justement une nouvelle génération qui s'intéresse au jeu de rôle et qui vous dit tiens, j'ai envie de voir ça parce que Bidule, il a joué devant une caméra. Et qu'est-ce que ça provoque aussi en face du côté du vendeur ? Alors, jeu de rôle, c'était des rayons qui étaient morts dans nos boutiques depuis une dizaine d'années. Qui avait qui était mal aimée, c'était le truc mon fils veut faire du jeu de rôle, la pauvre dame, était plus qu'à se suicider, c'était le drame absolu, le jeu de rôle c'était le mal. Et maintenant, depuis 2-3 ans, le jeu de société revient et de façon vraiment adaptée, je trouve, à la société, parce que je vais faire mon côté féministe 2 secondes. les jeux de rôle étaient quand même un peu typés. C'était des trucs de mecs. Et là, on voit des jeux de rôle qui arrivent. des jeux de rôle pour enfants, des jeux de narration avec des thèmes, allez, My Little Pony, on va avoir des trucs un peu craignos, carrément girly. Mais non, le jeu de rôle évolue avec la société. Et là, du coup, il va retrouver toutes ces lettres de noblesse, je pense, parce que bah, le vrai plaisir du partage, d'être ensemble, et puis bah, ça y est, on aura aussi des femmes comme il y en a, ça y est, dans le milieu du jeu aussi, ce qui n'était pas autant le cas il y a 15 ans. Et c'est un noble retour, et c'est du bonheur, oui. Merci beaucoup pour cette incise. On arrive tranquillement au bout de cette heure d'interview. Alors Adrien, si jamais tu sèches, je crois que j'ai trouvé une question au cas où il y a besoin. Mais tu as peut-être d'autres questions complémentaires à poser sur les boutiques de jeux. Alors oui, alors après, bon, je connais pas ta question, mais non, sur effectivement, tu disais un retour effectivement d'un certain public dans les boutiques, et ce qui donnait envie de te dire, alors quel est ta meilleure vente en fait, pas ta meilleure vente en termes de chiffres, mais celle qui t'a donné peut-être le plus de plaisir en fait à faire. Je sais pas, ça peut être des parents qui cherchent un cadeau pour leurs enfants, ou l'inverse d'ailleurs, ça pourrait être intéressant, des enfants qui cherchent des jeux pour leurs parents, etc. Parce que dans l'udologie, moi je me souviens très bien, je crois que c'était Mathieu Triclot qui nous racontait ses parties de jeux de société quand il était gamin, et qui du coup n'a pas gardé un bon souvenir manifestement, où effectivement les parents c'était Monopoly des bonnes payes, et bah, manifestement ça l'avait marqué, et c'était pas un bon souvenir. Mais et justement, s'il nous écoute, j'espère que Mathieu, tu es revenu au jeu de société. Voilà, peut-être quelle est ta meilleure vente, celle qui t'a le plus marqué peut-être. J'en ai pas vraiment. C'est du tous les jours en fait. Tous les jours, on a des retours de gens qui ont acheté et qui viennent dire merci en fait. Et c'est ça qui est rigolo. J'ai en face de ma boutique, j'avais une collègue qui vendait des draps. Et puis on rigolait, elle me dit, mais tu sais, moi, les gens, ils viennent jamais me dire qu'ils ont bien dormi dans les draps que je leur ai vendus. Tandis que nous, tous les jours, on a ce plaisir de quelqu'un va, mais juste pousser la porte pour me dire, hey, merci, le jeu que vous m'avez vendu la semaine dernière, c'est génial, j'ai fait des super parties. Et c'est ça, notre métier, c'est tous les jours. Donc en fait, c'est tous les jours du bonheur. Bon, après, il y a des fois, c'est raté, faut être honnête. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits, je pense, où on va pas aller dans le commerce d'électroménager et dire « Ouais, super, la machine à laver, elle est trop géniale, j'ai super bien lavé. » Et non, c'est tous les jours du bonheur. Eh ben, merci beaucoup, Cathy, pour avoir partagé tout ça avec nous. Ça donne à réfléchir. Et puis, vous l'aurez compris, si vous voulez monter une boutique de jeux, en premier lieu, soyez passionné. En deuxième lieu, ne comptez pas acheter des jeux Ravensburger, sauf si vous avez de l'argent à investir dans un conteneur. Et en troisième lieu, bah, jouez beaucoup maintenant, parce que manifestement, vous aurez moins le temps après. Hein, donc, profitez-en, et puis ça vous servira de formation. On termine cet épisode avec une question qui, trouvée au débotté, va nous servir quand même de question de conclusion pour la saison. J'espère que ça a marché pour les autres épisodes. Du coup, c'est une question plus personnelle. Par rapport au jeu, c'est quoi ton premier souvenir de jeu ? Ton plus vieux, le plus vieux qui te revienne ? Les parties de belote avec papa et maman sous la tente en vacances. C'est le plaisir du partage avec les parents, en fait. C'est où on jouait à la belote, et puis en même temps, ils nous racontaient leurs souvenirs d'enfance. Puis t'es coincé sous la tente parce que t'es à la montagne, il pleut, puis tu te dis, oh, j'espère que la pluie elle va jamais s'arrêter, en fait. Parce que c'est chouette, ces moments-là. Eh bien, merci beaucoup, Cathy Suignard. Donc, vous pouvez la retrouver au Lutin Ludique à Dinan. On espère que vous avez beaucoup apprécié ce podcast, en tout cas autant que nous avons eu de plaisir à l'animer. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Ludologie. Et en attendant, jouez bien, jouez plein, jouez autant que vous pouvez tant qu'on a encore le droit. À bientôt.